L'homme vivait avec la nature. Dans cette immensité de danger et beauté, vivaient trois frères unis dans l'amour. Leur cœur rempli de joie, ils recherchent la voie. Ils se tournent vers le ciel tout là-haut. Des temps anciens, prenez-nous par la main, remplissez nos cœurs de votre sagesse. Oui, dites-nous qu'à vos yeux, nous sommes comme les autres, que nous sommes tous des frères dans ce monde qui est le nôtre, tous égaux sur cette terre. Faites-nous le don de savoir partager et de comprendre et d'accepter que toutes nos actions et nos décisions façonneront notre destin. Pour tant de beauté que l'on nous a donnée, dans un monde qui se dévoile quelquefois, au détour du sentier, on doit encore avancer. Quand l'aventure finit, une autre surgit. Oh, vous tous ancêtres des temps anciens, prenez-nous par la main, remplissez nos cœurs de votre sagesse. Oh oui, à vos yeux. Oui, dites-nous qu'à vos yeux, nous sommes comme les autres. Sur terre, nous sommes tous.